الحمد لله. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunit les combattants. Il dit, par Allah, je remettrai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé, et qu'Allah aime ainsi que son envoyé. Allah donnera la victoire par ses mains. Hadith sahih, rapporté par al-Bukhari. Les compagnons, quand ils ont entendu ceci, subhanallah, quelqu'un qu'Allah et son envoyé aiment. Parce que le but, comme ils disent, les grands savants, ce n'est pas le but d'aimer Allah et le prophète, parce que tout le monde il prétend aimer Allah et son prophète. Mais le problème, c'est d'essayer qu'Allah et son prophète t'aiment. Et là, le prophète, il dit, et qu'Allah aime ainsi que son envoyé. Omar ibn Khattab, il a dit, je n'ai jamais souhaité être émir que ce jour-là. Parce que le prophète, il dit, qu'Allah et son envoyé aiment cette personne. Et la nuit, tout le monde, il y a des gens, des compagnons, n'ont pas pu dormir. Tout le monde se demande qui cet homme-là, qui cet homme-là. Et le matin, de bonne heure, ils se sont précipités près du professeur sallam, qui il va choisir. Et puis le professeur sallam, il a dit, où est Ali? Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, et il souffre du conjonctivite. Il avait mal aux yeux, il ne voyait rien du tout. Il a dit, appelez-le. Et on le ramena. Ali ne voyait rien du tout. Il a dit, envoyé d'Allah, je ne vois ni plaine, ni vallée. Je ne vois rien du tout. Et le prophète a mis sa tête sur sa cuisse et il souffla sur ses yeux. Il souffla sur ses yeux et Ali, radiallahu anhu, il se leva comme s'il n'a rien eu. Subhanallah. C'est l'une des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui donna l'étendard. Il dit, marche résolument, tawakkal Allah, jusqu'à leur territoire et appelle-les à l'islam. Et informe-les sur le droit d'Allah sur eux. Subhanallah. Même dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, il y a la da'wah. Il faut faire la da'wah. Il faut appeler les gens à l'islam. Et il a dit, informe-les sur le droit d'Allah sur eux. Car par Allah, si tu parviens à guider un seul homme, c'est mieux que les meilleurs chameaux. Ça veut dire une qualité de chameau, une sorte de chameau qui valent très cher chez les Arabes. Et puis là, Ali radiallahu anhu, il a pris l'étendard et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et le lendemain, Ali, avec l'étendard, Marhab, qui a tué Amir, il a lancé le défi. Il a dit, qui ose me combattre? Et ce fut Ali, radiallahu anhu, qui a relevé le défi, et il a parvenu à lui couper la tête. Puis le combat, il fut intense. Et puis Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tactique. Il a demandé à sa troupe de reculer. Puis, au fur et à mesure que lui, il recule, les Juifs, quand ils ont ouvert leur portail, et puis ils avancent vers lui, et lui il recule. Il montre un signe de défaite. Puis des deux côtés, il y a deux embuscades, des deux côtés des musulmans, qui leur ont bloqué la porte, et qui ne les ont pas laissés faire demi-tour. Et Ali, radiallahu anhu, il fonce vers eux. Quand ils ont voulu faire demi-tour pour rentrer, les deux portes étaient déjà bloquées par les musulmans. À droite et à gauche, il a déjà mis deux groupes de musulmans, ils ont fait deux embuscades. Et ils ont bloqué cette porte, et Ali, il a réussi à rentrer, et les compagnons et tous les combattants l'ont suivi, et ils ont occupé cette première forteresse, qui est la forteresse de Na'im. Hasm al-Na'im. C'est la première forteresse qui a été ouverte. Donc ça, c'est le premier signe de victoire. Les Juifs, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus résister, que les musulmans sont engouffrés dans cette forteresse, ils ont pris la fuite. Et ils se dirigèrent directement vers la forteresse de Sa'd ibn Mu'ad, la deuxième forteresse. Vers la deuxième forteresse. Mais cette forteresse, il n'y avait pas beaucoup de butin, il n'y avait pas beaucoup à manger. Et les musulmans, les compagnons, ils étaient, certains se tordaient de... Ils n'avaient pas de provisions, ils n'avaient pas à manger, ils étaient de faim. Et les Bani Sahm de la tribu de Aslam, c'était une tribu qui ont participé, c'était des musulmans qui ont participé au pacte de l'Hudaybiyah, sont allés et se plaignirent auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, envoyé d'Allah, on est mort de faim. On n'a rien, on n'a pas suffisamment à manger. Et puis le prophète sallam, il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala par un dua. Il dit Allahumma innaka qad arafta halahum wa anna laysat bihim quwwah wa anna laysa biyadi shay'un u'tihim iyyah faftah 'alayhim a'zama husuniha 'anhum ghina'a wa aktharuha ta'aman wa wadaka. Seigneur Allah, tu connais leur situation et leur faiblesse, et que je n'ai rien en main à leur donner. Ouvre pour eux le port le mieux doté en richesse, en vivres et en matière grasse. Hadith, il est rapporté par Ibn Ishaq. Et tellement ils étaient faims que certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des ânes qui tournaient près des forteresses, et les ont pris et les ont égorgés, et ils les ont mis dans la chair, la viande, et ils ont mis cette viande dans des marmites. Et le prophète, quand il a vu ça, quand il a dit, il a senti la fumée, il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils ont dit, on a cuit la viande. C'est quelle viande? La viande des ânes. Il a dit, renversez tout ça, et ne mangez pas ça. Et il a interdit la viande des ânes domestiques. À Khaybar, il a interdit la viande des ânes domestiques. Et le rapporteur de hadith, il dit, et il a interdit Zawaj al-Muta'a, ça veut dire le mariage temporaire. Le mariage temporaire, il l'a interdit. Bon, il y a beaucoup de paroles là-dessus, il y en a qui ont dit il a été autorisé après, puis il a été abrogé, mais ce dont on est sûr, et l'unanimité des Ahl-Sunnah al-Jama'a, que ce mariage-là, le fait de se marier avec une fille, puis faire un contrat de, je sais pas moi, 3 mois ou 6 mois, et après se séparer d'elle, ça c'est haram, c'est interdit. Le prophète sallam l'a interdit, il y a des hadiths clairs là-dessus. Et hadith rapporté, regarde, je vais donner une chaîne de transmission, il va d'où. Il haddathana Yahya ibn Qaza'a. Selon Yahya ibn Qaza'a, selon Malik, selon Ibn Shihab, selon Abdullah, wal-Hassan, ibn Muhammad, ibn Ali. Ibn Ali. Selon leur père, Ali ibn Abi Talib. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le mariage temporaire, zawaj al-mut'a, et il a interdit de manger la chair des ânes. Ali lui-même. Alors, ceux qui se prétendent le suivre, c'est une preuve contre eux. Hadith, rapporté par le Bukhari. Numéro 4216-5115. On donne le numéro. Abu Daoud, il rapporte que, selon Rabi' ibn Sabir a dit, je témoigne que mon père rapporte que le prophète sallam l'a interdit dans le pèlerinage d'adieu. Il a dit, je vous ai autorisé avant le mariage temporaire, et c'est interdit maintenant jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du jugement. Wa innaha haramun min yawmikum hadha ila yawm al-qiyamah. Haram, le mariage temporaire que font certaines sectes égarées. Al-Bayhaqi rapporte qu'on demanda à Ja'far ibn Muhammad. Ja'far, Sadiq, le fils de Muhammad al-Baqir. On lui posa cette question à propos du mariage temporaire. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'est rien d'autre que de la fornication. Innahu zina bi'ayni. Innahu zina bi'ayni. Celui qui s'autorise ce genre de mariage, il a commis la fornication. S'il y avait des juges qui appliquent la loi d'Allah, les deux, on les lapide. Bon, ça, entre parenthèses, tout ça entre parenthèses. Il a interdit la chair des ânes. Et puis, bon, les compagnons regardaient tous les marmites, et ils avaient l'espoir au moins de se rassasier avec cette viande. Et puis là, tous leurs espoirs tombaient à l'eau, parce que le prophète sallam, il a interdit cette viande. Le prophète sallam, quand il a vu que certains se tordaient de faim, de douleur, il a vu. Qu'est-ce qu'ils font? Que font les juifs? Ils savent qu'ils ont des troupeaux de moutons, ils ont du bétail. Ils ouvrent le portail, soumis ouvert comme ça, et ils le laissent paître juste à côté du portail. Et les sentinelles, les archers, ils sont vigilants, ils surveillent. Et le prophète sallam, il a dit, qui peut nous ramener quelque chose de ce troupeau-là? Les compagnons voient le troupeau, mais ils ne peuvent pas faire, personne ne peut s'approcher de la forteresse. Et là, un compagnon, Abu Yusuf, radiyallahu anhu, il a dit, moi, envoyé d'Allah, je vais le faire. Subhanallah. Et il commença comme un lion qui veut sauter sur une proie, doucement, comme ça, sans faire de bruit, parce que s'il brusque les bêtes, les autres, ou si jamais les autres ils vont le voir, les archers, ils le tuent. Juste à côté de la porte, du portail de la forteresse. Il s'est caché, il s'est faufilé, puis comme un aigle, il a sauté sur deux, sur un mouton, il a pris l'autre de l'autre bras, les compagnons, il dit, il courait son mur, on l'a vu courir, comme s'il ne portait rien du tout. Il prenait les deux bêtes comme ça, il courait. Et il jeta ça auprès du professeur Salam, il a dit, prends, envoyé dans la mange. Et le professeur Salam, il a fait dua, il a fait un dua, il a dit, oh Allah, laisse-nous jouir plus longtemps de sa présence. Et quand lui, il rapporte ce hadith, il pleure, il dit, Allah, quand le professeur sallam, il a dit qu'Allah nous jouit plus longtemps de sa présence, il a dit, j'étais le dernier à mourir. Ça veut dire, il regrette en même temps parce qu'il dit, il a voulu mourir que le temps, l'intervalle de temps qui se sépare avec le professeur sallam soit petit, c'est-à-dire que sa mort soit proche de la mort du professeur sallam. Et en plus, quand le temps, plus le temps il avance, plus les tensions grandissent, plus il y a le fitan, plus il y a les ambiguïtés, etc. Radiallahu anhu, il est rapporté par Ibn Ishaq. Et là, le professeur sallam, il a donné l'étendard Al-Hubbab Ibn Al-Mundir. Et là, parce que le professeur sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur ouvre la forteresse la plus riche en butin, la plus riche en nourriture, la plus riche en matière grasse, etc. Et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fut exaucé. Parce que les Bani Aslam, ces mêmes gens-là qui se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces mêmes gens-là qui ont attaqué la deuxième forteresse, qui est celle de Sa'd ibn Mu'ad. Et ils ont réussi à rentrer. L'étendard a été, comme j'ai dit, c'est Al-Hubbab ibn al-Mundir radiallahu anhu qui le portait. Ils ont réussi à ouvrir cette forteresse. Et les Juifs, ils ont pris la fuite à leur tour pour regagner notre forteresse. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans cette forteresse? Une nourriture qui servait à tout, qui suffisait à toute l'armée. Ils ont trouvé des armes, ils ont trouvé ce qu'on appelle le manjanir. Des machines de guerre, la baliste pour lancer les rochers, les pierres. Oui, comment on appelle ça? Catapulte, oui. Catapulte. Bon, c'est une machine de guerre. Et une machine qui s'appelle Debeb, c'est une échelle couverte de peau. C'est une grande échelle. Ça, c'est quand il combat. Ça sert pour. Si l'ennemi il est derrière des murs fortifiés ou dans des forteresses, ils mettent l'échelle comme ça. Et l'échelle, elle est entourée de peau. Ça veut dire que les combattants, ils montent cette échelle, ils escaladent cette échelle, mais toujours protégés par la peau, comme ça, les flèches, ils les touchent pas. Ils sont protégés. Donc, ils ont trouvé des machines de guerre, et en même temps, ils ont pris en captivité un des juifs. Et le professeur sallam, il a dit, à quoi sert tout cet engin-là? Des machines, vous combattez qui? Et le juif, il a dit, il prépare tout ça contre toi, subhanallah. Tous ces engins de guerre, tous ces les catapultes et tout ça, c'était contre le professeur sallam. Les juifs, ils ont fui vers ce qu'on appelle la forteresse de Zubayr. La forteresse de Zubayr, c'est la mieux défendue des forteresses de Khaybar. Et les juchés au sommet d'un éperon. Un éperon rocheux, et qui est entièrement entouré de falaises. Et même le sentier qui mène vers la porte de la forteresse, c'est un sentier abrupt. Ça veut dire que la pente, elle est très... Et c'est difficilement accessible par les chevaux et même par les piétons. Donc c'est vraiment... Une forteresse très défendue, difficilement accessible. Le professeur sallam, il l'a assiégé pendant 3 jours. Après quoi, un juif qui s'appelle Ghazal, il vint trouver le professeur sallam, il lui dit, Il lui dit, nous sommes sûrs que tu vas ouvrir Khaybar. Il a dit, comment tu le sais? Il a dit, c'est écrit dans la Torah que tu vas ouvrir Khaybar. Et je suis venu. Je suis venu te divulguer un secret, à condition que ma propre vie, mes biens, ma famille soient sauvegardés. Elle dit, je vais te donner des secrets en même temps, mais en échange, tu... Le professeur Salim, il a dit, d'accord. Il a dit, je te le promets. Il a dit, leur point de faiblesse, ça c'est venu après qu'ils ont essayé de toute leur force d'essayer de pénétrer dans cette forteresse, mais ils n'ont pas réussi durant 3 jours de siège. Cet homme-là, Razzal, il a dit à le professeur Salim, il a dit, leur point de faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas d'eau dans la forteresse. Ils n'ont pas d'eau. Il a dit, comment ils s'approvisionnent? Il a dit, ils ont des tunnels souterrains. Ils ont des tunnels, ils passent par des tunnels souterrains, et puis ça les mène jusqu'à une montagne où il y a des points d'eau, et puis ils prennent de cette eau-là, et puis ils reviennent à la forteresse. Il a dit, montre-moi où se trouve le point d'eau où ils... Et il lui a montré... Professeur Salim, en compagnie des combattants, il a vu ce tunnel et il a vu des portes. Parce qu'ils ouvrent et ferment des portes. Et Professeur Salim, il a fermé cette porte. Il a mis du bois, il a tout. Et il a mis des gardiens à côté de cette porte. Ils ont la nuit, parce que c'est la nuit qu'ils prennent cette eau-là. La nuit, ils ont pris le tunnel, sa porte fermée, ils ne peuvent pas ouvrir. Et les compagnons, avec leurs épées, ils attendent. Alors là, en plus, eux, ils comptaient. Puisque c'est la source qui se trouve dans cette montagne est intarissable, donc ils ne font pas de réserve. Ils ne laissent pas les réserves chez eux. Et ils sont restés coincés. Maintenant, ou bien sortir combattre, ou bien se livrer, ou mourir de soif. Ils n'ont pas le choix. Et quand ils ont su, maintenant, ça y est, le professeur Salim a connu leur point faible, ils ont les assiégés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sortie et ils ont livré bataille. Après un combat acharné, ils ont pris la fuite encore vers un autre endroit. Ils n'ont pas pu résister devant les compagnons du prophète. Et les compagnons, ils ont pris cette forteresse qui est la forteresse de Zubayr. Là, ils sont allés jusqu'à l'autre endroit. C'est ce qu'on appelle, maintenant ils ont quitté la région. Il y a une région qui s'appelle Natat. Natat, il regroupe la forteresse de Na'im, la forteresse de Sa'd ibn Mu'ad et la forteresse de Zubayr. Maintenant, ils sont allés vers l'autre endroit. C'est ce qu'on appelle Mantaqat Shiq, la région de Shiq où il y a la forteresse de Ubay et la forteresse de Nizar. Ils fuirent vers la forteresse de Ubay. Là, le siège, il a duré quelques jours, durant lesquels un des grands combattants juifs appela au combat singulier, et ce fut Abu Dujana, radiallahu anhu. Abu Dujana Simak ibn Kharasha al-Ansari. Vous vous rappelez de lui? Celui au turban rouge. Celui qui a fait cette marche devant quand le professeur sallam, il a brandi l'épée, il a dit qui prend cette épée en lui payant son juste droit, et lui, il a dit... Qui est son juste droit? Il a dit que tu combats que tu frappes les ennemis jusqu'à ce que cette épée soit tordue. C'était lui qui a relevé le défi et qui a tué ce héros-là. Dès qu'il l'a tué, il a tué ce héros, mais en même temps il a profité de l'occasion, il est rentré dans la forteresse. Et les combattants, les compagnons l'ont suivi. Et le combat, il fut acharné au milieu de la forteresse. Au milieu de la forteresse. Et de nouveau, les Juifs, ils ont pris la fuite. Ils ont quitté de tous les côtés. Il y en a qui ont réussi à escalader les murs. Il y en a qui ont... Ils ont pris la fuite vers l'autre forteresse, la forteresse de Nazar. C'était une vraie guerre. Ce n'était pas facile. Comment... Parce que avant, ils préparaient, eux, les Juifs, ils préparaient pour attaquer Médine avec leurs armes et tout ça. Le témoignage du Juif qui a dit ça au prophète. Ils ont pris la fuite. Ils regagnèrent ce qu'on appelle Hasn al-Nizar. Alors là, Hasn al-Nizar, c'est la forteresse la plus fortifiée et la plus défendue de la région. Et les Juifs étaient presque sûrs que les musulmans ne pouvaient pas l'ouvrir. Malgré leurs efforts, ils étaient sûrs. Et c'est pour cela qu'ils ont mis leurs enfants et leurs femmes dans Hasm al-Nazar, dans la forteresse de Nazar. Et là, mais ils ont fait une autre tactique, c'était de ne pas lancer au défi. À chaque fois qu'il envoie un héros pour défier un musulman, le musulman, il le tue. Et ils sont restés dans cette forteresse. Ils n'ont pas voulu appeler au combat singulier. En même temps, ils n'ont pas voulu faire une sortie collective parce que ils ont leurs enfants et leurs femmes dans cette forteresse. Et ils sont contentés de lancer des flèches. Ils lançaient les pierres et les flèches juste à toucher le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lançaient les flèches et lors plusieurs jours de siège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, et les musulmans n'ont pas réussi à faire une incursion, n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ramenez le manjaliq, ramenez le catapulte, et ramenez le dabbaba, ramenez ça. Il utilise maintenant parce que c'est une arme, et il a une arme qui servait aux musulmans. Les musulmans, ils l'utilisent, ils ne l'attendent pas. D'accord ? L'hikmatu dallatul mu'min. Hein ? Chaque fois qu'il trouve un moyen, il trouve la technologie et tout des mécréants, s'il peut l'utiliser à sa faveur, il l'utilise. D'accord ? Le professeur ne connaissait pas ce que ça veut dire le manjaniq, le catapulte, ne connaissait pas ce que ça veut dire le dabbab, ne connaissait pas ce genre de choses. C'est une technologie, ça. Mais maintenant, l'occasion où il s'offre, et on a besoin de ce matériel-là, il l'a utilisé. Il ramena le manjaniq, le catapulte, et il a dit, il faut envoyer ça vers un seul endroit, une seule cible, viser une seule cible. Et il a les échelles, ce qu'on appelle des dabbaba, vous le mettez de l'autre côté de la forteresse. Comme ça, on les frappe d'un côté, et les compagnons, les combattants, ils passent de l'autre côté. Et l'échelle, elle était couverte, comme j'ai dit, de peau. Mais les juifs, ils lançaient des pierres, ils lançaient des flèches, et en même temps des boules de feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on mouille cette peau-là. De mouiller la peau de Dabbaba, pour que le feu ne le touche pas. Et là, des deux côtés, ils lancent, les compagnons, ils montent cette échelle-là. Ils lancent jusqu'à ce que les juifs ont été mis en déroute. Et ils ont réussi à pénétrer, à escalader les murs et à pénétrer à l'intérieur des forteresses. Et le combat, il a fait rage à l'intérieur de la forteresse. Et les juifs, ça y est, ils n'ont pas réussi. C'était Kinana, c'était pas Kinana qui était. C'était d'autres combattants, d'autres juifs qui ont pris la fuite. Et ils ont quitté Hasm al-Nazar et ils ont fui vers une autre, la deuxième partie de Khaybar. Maintenant, c'est une autre partie qui s'appelle la partie de Al-Katiba. Un autre groupe de forteresses. C'était des forteresses groupées dans des endroits. Et ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants dans cette forteresse. Tellement ils étaient mis en déroute, tellement les combattants, ils ont eu le dessus sur eux. Comme j'ai dit, ils sont allés dans la région de Al-Katiba. Maintenant, la région de Natat et la région de Shirk ont été ouvertes. Les deux groupes de forteresses ont été ouvertes. Na'im, Sa'd ibn Mu'ad, Zubair, Hasan Zubair, la forteresse de Ubay, la forteresse de Nazar. Ils sont allés maintenant vers la deuxième partie, qui est la partie qu'on appelle Katiba. Il y avait d'autres forteresses, mais elles sont petites. Les Juifs n'ont pas pris la peine de les occuper, ils sont allés directement vers la forteresse qui s'appelle forteresse de Qamous, qui est la forteresse de Kinan ibn Abi al-Huqayq. Les musulmans ont occupé la forteresse de Nizar, les femmes, les enfants, les biens, tout ce que contenait cette forteresse, qui fut le butin des musulmans, Ghanima. Et le prophète sallam, il partagea le butin entre les musulmans. Et juste avant Khaybar, un bédouin, il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, j'ai cru en toi, je veux émigrer avec toi, je veux te suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, d'accord, et il a dit aux compagnons, traitez-le bien. Et puis, juste après, ce fut la bataille de Ghazwat Khaybar, et il a participé avec eux. Ils lui ont donné la responsabilité d'être derrière les combattants, ça veut dire de garder l'arrière des combattants. Et là, puisqu'il était en arrière des combattants, il est venu en retard Et puis ils lui ont dit, tiens, il a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est un butin que le Prophète t'a donné, c'est ton droit, c'est ta part du butin. Il a dit, je ne le veux pas. Il a dit, je ne veux pas ce butin. Puis d'abord, le Prophète, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est ta part. Il a dit, je ne suis pas venu pour... Je n'ai pas trouvé en toi, je ne t'ai pas suivi pour ça. Il a dit, pourquoi tu m'as suivi alors? Il a dit, je t'ai suivi pour qu'une flèche me rentre par là, par ici, et me sort par ici. C'est-à-dire qu'il a montré du doigt son cou, il a dit qu'il sort par là et que je rentre au paradis. Quand la flèche sort par là, je rentre au paradis. Il a dit, le Prophète sallam, il a dit, إِذَا صَدَقْتَ اللَّهَ يَصْدُقْكَ. Si tu es sincère envers Allah, Allah va t'accorder ce que tu veux. إِذَا صَدَقْتَ اللَّهَ يَصْدُقْكَ. Après un instant, bon, les compagnons, faut qu'ils se dirigent vers la forteresse de Qamous. Et là, il y a eu un échange de flèches. Et le bédouin, radiallahu anhu, il a reçu la flèche à l'endroit même qu'il a désigné avec son doigt, subhanallah. Il a reçu cette flèche-là, et puis ils ont ramené son corps au professeur Sallam. Le professeur Sallam a dit, ahoua, c'est lui-même. Ils ont dit, c'est lui-même envoyé d'Allah. Et le professeur Sallam le regarda, il a dit, sadaqa Allah wa sadaqa. Il était sincère, et Allah lui a accordé la shahada. Et puis il a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, Seigneur Allah, ton serviteur, a émigré dans ton sentier, il est mort, et j'en suis témoin. Et le hadith, il est rapporté par Nasa'i, Tahawi, Al-Bayhaqi, Al-Hakim. Et Isnad Sahih, ça veut dire bonne chaîne de rapport, hadith Sahih. Subhanallah. Il a le témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mort, martyr, sadaqa Allah, fa sadaqa. Subhanallah, c'est quand le paradis, il est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le paradis est plus proche de chacun de vous que le lacet de sa chaussure. Et il en est de même pour l'enfer. Il est proche. Subhanallah. Il n'a pas fait beaucoup d'œuvres et pourtant le paradis. Quand il a fait ce doua, les compagnons, ils ont dit, par nous souhaitions être à sa place. Nous souhaitons être ce mort-là, quand le professeur Sallam, il a témoigné, il a invoqué pour cette personne. Dans la même bataille, un homme combattait avec courage, et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, personne n'a fait acte de bravoure comme cet homme-là. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il tuait tout ce qui s'approche de lui, il les tuait. Il était avec les musulmans. Et le professeur Sallam, il a dit, il fait partie des gens de l'enfer. Certains compagnons, ils étaient mis en doute. Pourquoi le professeur Sallam, il a jugé qu'il va mériter l'enfer? Et ceux qui l'ont vu, il était au milieu de l'ennemi, et quand il fut blessé, il n'a pas pu supporter les blessures, et il s'est suicidé. Et le professeur Sallam, il a dit, elle a appelé Bilal, il a dit, lève-toi Bilal, et appelle les gens qu'ils ne rentrent au paradis. Ils ne rentrent au paradis qu'une âme croyante, et qu'Allah soutient cette religion par l'homme pervers. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut soutenir la religion. Il se peut que des hypocrites font le jihad avec des musulmans et qu'ils vont servir de bouclier, que grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire. Donc Allah, il soutient cette religion avec l'homme qui ne vaut rien du tout. Subhanallah. Donc, il ne rentrera au paradis qu'une homme croyante. Le mushrik, le paradis, il est interdit pour un associateur. Celui qui égale quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour, ou dans la vénération, ou dans l'invocation, ou dans l'application des lois, il obéit dans la désobéissance d'Allah, il est dans une situation très grave. Allah, il interdit le paradis aux mushrik. Celui qui tombe dans les péchés, Allah, il peut le pardonner. Mais le shirk, il ne rentrera au paradis qu'une âme croyante. Et là, dans le partage du butin, le prophète sallam, il donna une part aux malades, ce qu'Allah a dispensé, les al-a'ma harajun, wala al-marid haraj, nul grief sur l'aveugle, ni sur le boiteux, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné leur part, ceux qui ont été dispensés, qui ont été malades, et qui ont participé à l'Hudaybiyah, mais qui sont tombés malades lors de cette bataille de Khaybar. De même, il a donné une part du butin aux familles des martyrs. Comme j'ai dit, parlant du suicide, j'ai dit que le suicide, il y a deux sortes. Il y a le suicide qui sort la personne à l'islam s'il s'agit du désespoir, s'il désespère de la miséricorde d'Allah. Il y a deux sortes de suicide. Donc il y a quelqu'un qui se suicide et malgré ça il rentre dans la miséricorde d'Allah, comme l'exemple de celui qui a accompagné Amr ibn Tufayl. La personne, durant un voyage, il est tombé malade ou il a eu ce qu'il a eu, des blessures, et qu'il s'est suicidé et que la personne, il l'a vu dans le rêve. Il a dit, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Il a dit, Allah, je suis rentré dans la miséricorde d'Allah. Il a dit, Etena, et Allah, il a dit, on ne va pas rétablir ce que tu as gâché. Et cette personne, ce compagnon, il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu telle personne qui s'est suicidée, je l'ai vu dans le rêve, et qu'Allah il a dit qu'Allah l'a fait rentrer dans sa miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah, le hadith sahih, il a invoqué Allah pour lui, qu'Allah rétablisse ce qu'il a gâché, ça veut dire quand il s'est coupé les veines, je crois c'est ça, il s'est coupé les veines. Et le lendemain, cette personne, ce compagnon, a vu cette personne sans des bandes sur sa main, sans les bandes sur la main. Ça veut dire qu'Allah il a rétabli sa blessure, il a rétabli ce qu'il a gâché, qu'il a rentré dans sa miséricorde. Donc il y a deux sortes de suicides. Il y a celui qui désespère, il désespère de la miséricorde d'Allah, ça c'est du kofr. Et il y a celui, par exemple, d'un musulman qui a été torturé, il était sous la table de la torture, mais il n'a pas supporté. Et il a pris, par exemple, un comprimé, il a fait quelque chose et il s'est suicidé. Inch'Allah, peut-être celui-là il rentre dans la miséricorde d'Allah. Donc il y a deux sortes de suicides. Après le partage du butin, un homme est mort. Et les compagnons, ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier sur cet homme, pour faire salat al-janaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Là, les visages des compagnons changèrent. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu prier, il n'a pas voulu faire la salat al-janaza sur cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué sa réaction, pourquoi il a réagi ainsi. Il a dit, votre compagnon, il a prélevé quelque chose du butin. C'est ce qu'on appelle le reloul. Il a pris quelque chose du butin et il l'a dissimulé, l'a caché. Ralla fi sabilillah. Et les compagnons, ils ont fouillé dans ses affaires et ils ont prélevé un objet de butin qui, l'un des compagnons, il a dit, il ne valait même pas de dirham. Subhanallah. Il a pris ça, il l'a caché et. Il a dit, déjà, parce que le prophète, quand il a dit, priez sur votre compagnon, ça veut dire qu'il est musulman. Ça veut dire qu'il est musulman. Mais le prophète, il a refusé de prier sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris, il a prélevé ça, le reloul. C'est, وَمَكَنَ الْنَبِيِّنْ أَيَّهُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Quiconque s'approprie du butin viendra avec ce qu'il a approprié, ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection, alors à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Dans Surat Al-Imran, le reloul. Et la dernière forteresse à opposer une résistance, c'est celle de Qamous. Maintenant, la deuxième région qui s'appelle Katiba. Elle appartenait à la famille de Kinana ibn Abi al-Huqayq. Hein, Kinana, c'est Bani Nadir, qui est devenu roi sur Khaybar. Et c'est l'un des. Déjà, c'est l'une des forteresses les plus riches et les plus puissantes. Et lui, il fait partie de la famille la plus noble. Ça a duré 14 jours de siège. Le prophète sallam, il a siégé cette forteresse 14 jours. Et là, Kinan ibn Abi al-Huqayq, il a été déçu de voir que ses alliés, les Ratafan, ils l'ont trahi parce qu'ils n'ont pas participé avec lui. Et en plus, ajouté à cela, les fugitifs des autres forteresses, ils ont ramené des informations qui ont démoralisé Kinan ibn al-Huqayq en plus de la frayeur, et jusqu'au point les historiens ils rapportent qu'il a été envahi de peur. Vous vous rendez compte, 5 forteresses envahies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il a dit Kinan ibn al-Huqayq, il a été tellement envahi de peur il a pris l'arc, il a pris la flèche pour mettre la flèche dans la corde pour viser. Il commence à trembler. Il tremble, il a commencé à trembler. Il n'a pas réussi à mettre la flèche dans l'arc. Il n'a pas réussi. Il a dit, ça y est, c'est fini, il vaut mieux se... Mais malgré ça, il n'a pas voulu se livrer. Il n'a pas voulu se livrer, ils sont restés dans leur forteresse. Sans réaction. Le prophète sallam, il attend qu'il se livre. 14 jours de sieste, c'est long. C'est long. Et puis le prophète sallam, il a dit, ramenez le manzaniq, ramenez le catapulte. Et entraîna le catapulte. Ramenez Tadbaba et entraîna. Les autres, les juifs, ils le regardaient du haut de la forteresse dès qu'ils virent les compagnons en train de traîner les catapultes. Kinan ibn Abi al-Huqayq, il a appelé, il a dit, je veux qu'on négocie. Et puis savoir au prophète sallam qu'il souhaitait négocier avec lui. Et le prophète sallam, il a accepté ça. Et là, ils engagèrent les pourparlers. Et il fut convenu que toutes les forteresses soient vidées de leurs occupants. Tout le monde sort. Tous les occupants de toutes les forteresses, ils sortent. Et l'Wataïh al-Salalim, parce qu'il y a la forteresse de Qamous, là où il y a Kinan ibn Abi al-Huqayq, et l'autre forteresse, l'Wataïh al-Salalim, eux, ils se sont livrés sans résistance. Tout le monde. Et il a dit, vous allez quitter Khaybar. Vous quittez Khaybar. Et vous laissez les armes. Vous laissez toutes les armes. Les machines de guerre, vous le laissez. Et il a dit une chose qui est la plus lourde pour les juifs. L'or. Vous laissez l'or. Tout cet or-là que vous exhibez avec ostentation dans Bani Nadir, parce que Bani Nadir, quand il les a expulsés, il leur a permis de prendre l'or. Et quand ils sont sortis de Médine avec un cortège et tout, ils exhibaient l'or. Il a dit maintenant, ça y est. Classe. Vous mettez tout l'or-là, vous le posez. L'argent aussi. Il a dit, si on trouve un trésor caché, on tue tous les juifs. On les tue. Vous ne cachez rien du tout. Et vous avez la vie sauve. Vous avez la vie sauve et vous prenez ce que peut porter vos montures. C'était la condition. Il a dit, maintenant, si vous voulez avoir la vie sauve, vous n'enterrez aucun trésor. Si on trouve un seul trésor, on vous coupe la tête. Du premier au dernier. Et ils ont accepté. Ils ont accepté et les compagnons, ils ont eu comme butin des 1000 lances, 400 arcs avec leurs flèches, des grandes quantités d'argent, d'or, de diamants, et en plus 40 000 palmiers juste dans la région de Al-Katiba. Juste une petite partie de Khaybar, 40 000 palmiers, un champ de 40 000 arbres de palmiers. Et ils trouvèrent également des anciens manuscrits de la Torah. Et là, les rabbins et tous les juifs, ils ont prié le prophète sallam de leur laisser ces manuscrits. Et pourtant, ces manuscrits, il ne les a pas pris dans la forteresse de Katiba, il les a pris dans les premières forteresses. Normalement, il a le droit de ne pas leur rendre leurs manuscrits. Il leur rendit leurs manuscrits. Puis le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Le hadith là, il est rapporté par Abu Daoud. Il a appelé Sa'ya. Sa'ya, c'est l'oncle de Huyay ibn Akhtab. On sait que Huyay ibn Akhtab, il faisait partie de ceux qui ont été massacrés à Bani Qurayza. Et Huyay ibn Akhtab, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un trésor chez Bani Nadir. Et quand les Bani Nadir ont été expulsés, il est allé à Bani Nadir, il a pris son trésor, grande quantité d'or, il a emmené tout ça à Khaybar. Et le prophète sallam, vigilant, il a appelé Sa'ya, il a dit... C'était l'oncle de Huyay, il a dit, où se trouvait le fameux trésor de Bani Nadir que Huyay avait emporté de Médine? Ah, il a dit, depuis que Bani Nadir était arrivé à Khaybar, les trésors avaient servi d'acheter des armes et à fortifier nos maisons. Il a dit, Bani Nadir, c'est très récent. Bani Nadir, c'est très récent. En plus, tout cet or, toute cette grande quantité d'or, il a suffi, il a été gaspillé entièrement pour acheter des armes pour fortifier vos maisons. Et puis il appela Zubair ibn Awam, radiallahu anhu. Il a dit, mets-le en garde à vue. Interroge-le. sous les coups, Sa'ir, il a fini par avouer Kuhuyay avait l'habitude de tourner toujours autour d'un endroit à Khaybar, autour d'une ruine. Et que Kinan ibn Abi al-Huqayq, ils étaient au courant de ce trésor. Et que son frère Rubayy aussi, il était au courant de ce trésor. Et pour ça, sallallahu alayhi wa sallam, il convoqua Kinan ibn Abi al-Huqayq, il convoqua son frère Rubayy, et il leur a dit. Et Kinana, c'est le premier à signer le pacte, l'accord, qu'ils ne doivent cacher aucun trésor. Et le pacte, c'était s'ils trouvent un trésor, ils tuent les juifs du premier au dernier. Il l'a appelé. Il a dit, regarde. Il a dit, si on trouve un trésor dans un endroit, ça veut dire on vous tue. Il a dit, oui. Et ils sont allés dans l'endroit que désigné. Et ils ont trouvé le trésor. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais le prophète sallam, il n'a pas tué tous les juifs, il a tué juste Kinan ibn Abi al-Huqayq, et il a tué également son frère Rubayya, qui était son complice. Puis les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont consultés entre eux. Et envoyèrent au prophète sallam une délégation qui fit valoir que, puisqu'ils étaient... ils étaient experts à gérer les champs, ils connaissaient leur terrain, ils connaissaient les fermes, ça fait longtemps qu'ils habitaient dans l'endroit. Ils ont dit, envoyé d'Allah, si tu veux, tu nous laisses à Khaybar. Non pas comme propriétaire, mais juste comme travailleur. On travaille. Et tu nous payes. Les champs, ils appartiennent maintenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les forteresses, ils appartiennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il accepta. Il a dit, bon, vous connaissez le bien, le terrain et tout. Bon, vous allez travailler en même temps, vous payez, vous allez verser une rente annuelle équivalent à la moitié des récoltes de Khaybar. Et puis le prophète sallam leur donna la permission de loger dans une des forteresses. Non pas comme propriétaire, mais comme locataire. Et il les autorisa à rester. À Khaybar, mais il leur a dit une chose, il a dit, s'il décide, c'est-à-dire il a dit, si je décide de vous expulser, de vous bannir, je le fais quand je veux. Le consentement, il est rapporté par le Bukhari, hadith 2285, il y a d'autres numéros de ce hadith-là. Puis, parmi les captives, bon, quand Kinan ibn Abi al-Huqayq a été tué, leur famille, la famille de Kinana a été pris comme sabi, esclave. Comme Sabi, comme captive. Et parmi les captives, il y avait Safiya. Safiya, la veuve de Kinana, et la fille du... Elle était la femme de Kinana, femme d'un roi, et fille de Huyay ibn Akhtab. Et fille d'un roi. Et elle était très belle. Et quand Dihya al-Kalbi l'a vue, il alla directement au prophète, il a dit, je veux cette femme pour moi. Et le prophète lui a accordé, il a dit, c'est pour toi cette femme. Et puis les compagnons, ils sont allés voir le prophète sallam, ils ont dit, envoyé d'Allah, il est la fille d'un roi, et elle était la femme d'un roi. C'est toi qui la mérites. Ils sont allés voir Dihya, ils ont dit, prends une autre femme, et il a accepté. Et le prophète sallam, il a dit, ramenez-la moi. Ils l'ont ramené. Ils l'ont conduit jusqu'au prophète sallam, puis il l'a vu comme ça, puis il a vu son visage, puis il a dit, qu'est-ce que tu as dans l'œil? Il avait du bleu autour de son œil. Et il a dit, il lui a raconté l'histoire, il a dit, aussitôt après mon mariage, parce que elle s'est mariée, et juste même pas à moi, le prophète sallam est venu, il a attaqué Khaybar. Il s'est marié avec Kinan ibn Abi al-Huqayq, et le mariage n'a pas duré longtemps. Et il a dit, aussitôt après mon mariage, et peu de temps avant que tu arrives à Khaybar, j'ai fait un rêve. Il a dit, j'ai fait un rêve. Il a dit, j'ai vu une lune brillante suspendue dans le ciel, au-dessous de laquelle s'étendait la ville de Yathrib, ça veut dire Médine. Il a dit, la lune s'était ensuite déplacée vers Khaybar, et elle est tombée dans mon giron. Et en m'éveillant, j'ai raconté à mon mari ce que j'ai vu. Et son mari l'a frappé. Il l'a jaloux, il l'a frappé, il a dit, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est que tu désires le roi de Yathrib, tu désires Mohammed. Hadith, il est rapporté par l'Aïsami Tabarani, hadith selon Ibn Omar, il est sahih. Le prophète sallam le regarda, lui a dit, tu es libre. Il a dit, tu es libre. Et si tu veux rester juive, si tu veux rester juif, quand il a entendu le récit du rêve, si tu veux rester juif, tu peux rester juif et tu retournes chez toi. Tu peux retourner chez les tiens. Et si tu veux